combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps, une pendule dans le crâne qui nous rapproche de l'ascendance. Perpétuel combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps, une pendule dans le crâne qui nous rapproche de l'ascendance. J'ai la gamberge trop bétonnée, ça pue la kiffe à tout bout de champ. L'estomac tout retourné, le regard vide et je vois que tout change. Soleil couchant, je m'évade vers l'horizon. Les fous rires, les malheurs, la vérité, les mensonges, putain. Ça tourne en rond, paye la rançon du succès. Moi, je m'en bats les roues depuis long time, mais ça tu le sais. Le moral entre deux chaises, le quotidien dans une cafetière. On kick quelques 16 et le temps prend ses marques sur les paupières. L'inspiration, forcément, n'est plus la même. Un goût d'inachevé, faire les bons choix, mais ne pas tourner sa veste. Vu que le revers de la médaille te brise la nuque. À trop vouloir faire son trou, on donne celui qu'on a dans le cul. Sans rancune, les erreurs te filent du crâne. J'noircis des pages et le temps fuse dans le cadran. Rester franc, c'est l'essentiel, une spéciale pour les anciens. On regrette la vieille époque, donc on l'évoque dans nos refrains, yeah. Perpétuel combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps, une pendule dans le crâne qui nous rapproche de l'ascendance. Perpétuel combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps, une pendule dans le crâne qui nous rapproche de la sentence. Donne-moi un peu de temps, que je me pose tranquillement. Que j'apprécie la vie, car elle est belle apparemment. Mais le temps passe trop vite, et on n'évite pas le temps qui passe. On veut tout et tout de suite, et puis tant pis si on boit la tasse. Prends le temps de se détendre, en 2000 c'est devenu payant. Fini le beau temps, on reste à parler sur un banc. Maintenant on se croise, oh qu'est-ce que tu deviens, ça va ou quoi? On sait plus quoi se dire, on veut meubler mais y'a des blancs. Chacun de nous est pressé, mais trop boulot dodo c'est le mouvement. On perd nos facultés, ouais, ça devient stressant. Nostalgique du vieux temps, tous les moments de mon enfance. Des trésors cachés qui ressortent de temps en temps. Je cours après le temps, en essayant de le rattraper. Mais il va si vite, que j'ai pas vu les années passer. Le temps vaut de l'or, surtout dans les yeux de ma mère. Une femme que j'adore, je peux te dire que j'en suis fier. Perpétuel combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps. Une pendule dans le crâne qui nous rapproche de l'ascendance. Perpétuel combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps. Une pendule dans le crâne qui nous rapproche de la sentence. 21ème, j'suis pas daron, j'ai failli l'être. Le temps c'est rien que des chiffres, mais moi j'manie les lettres. Un peu d'alcool dans l'abdomen, et on perd vite ses repères. Les regrets refont surface, mais le remède est de ne pas s'y perdre. Le champ de vision est lui de plus en plus terne. Monde déterre à long terme, plus d'une fois coupé par la peine. Le temps nous change, nous embellit ou nous fusille. L'essentiel est de voir ce qu'il y a dans le cœur, aller au-delà du physique. Chacun de nous s'emmerde, alors on part loin, on tue le temps. On tente de s'évader, aller chercher le soleil au gré du temps. Le temps d'une balade, prendre un bol d'air entre camarades. Voir un peu autre chose et narrer le bol de cette sérénade. En tournant comme des cons, des va-et-vient à l'heure du décompte. On compte plus les heures, on subit mauvaise conscience. On changera pas le temps, c'est plutôt le temps qui nous change. Honneur à tous les croyants, vous l'avez compris, seul Dieu est grand. Perpétuel combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps. Une pendule dans le crâne qui nous rapproche de l'ascendance. Perpétuel combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps. Une pendule dans le crâne qui nous rapproche de l'ascendance. Perpétuel combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps. Une pendule dans le crâne qui nous rapproche de l'ascendance. Perpétuel combat, perdu d'avant, je mets du cœur à ma plume qu'elle s'exprime par le silence. Un reflet, une image qui évolue avec le temps. Une pendule dans le crâne qui nous rapproche de l'ascendance.